89.1 FM. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Vous écoutez le palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 19 au 25 octobre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Au 23 octobre, en fait, faut dire. 19 au... Ouais. Ouais. Au 23 octobre. Ouais. C'est ça. Ouais. Bref, bienvenue à cette émission où on condense les pièces les plus jouées de la semaine, c'est-à-dire les 20 meilleures pièces francophones et les 20 meilleures pièces anglophones. La semaine passée, le numéro 1 en anglo, ben, c'était Metric avec Four Kicks. Et du côté francophone, eh bien, c'était... Est-ce que t'as encore besoin de signes après 5 émissions? Mais non, mais je pensais que tu continuais sur une lancée bon. Du côté francophone, comme on disait, eh bien, c'était Rosie Volant avec Olympe. Est-ce qu'elle est encore numéro 1 cette semaine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir d'ici la fin de l'émission. Tout à l'heure! Sinon, dans l'émission d'aujourd'hui, on a aussi nos instants classiques, les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines depuis le début du mois de septembre qu'on n'a pas fait cette chronique-là. Donc, on a 3 semaines de rattrapage à faire pour un instant classique. Donc, le reste prend le bord. Par contre, on a aussi la présence de quelqu'un par téléphone avec nous d'ici la fin de l'émission. On ne vous dit pas qui, on ne vous dit pas pourquoi. Donc, on vous en parle tout à l'heure. On a des nouvelles entrées du côté anglophone. J'en vois 4. On a Cave Boy, US Girls, New Order ainsi que Young Rival. Et du côté francophone, eh bien, on a des bands comme Ponctuation, Navet Confit, Les Incendiaires qui reviennent, mais avec une nouvelle pièce. Rose Fargo avec une nouvelle pièce aussi. Alors, beaucoup de nouvelles entrées du côté francophone. Ça va être génial, tout ça. Débutons par les nouvelles entrées. On va sûrement faire la première heure au complet là-dessus. Donc, en anglophone, tout à l'heure, il y aura Young Rival avec une pièce de l'album Interior Light qui s'appelle That's Chemistry. Et du côté francophone, eh bien, je le disais tout à l'heure, c'est Les Incendiaires avec la pièce Tozoku. On écoute ça dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Oui. nouvelle entrée. Yeah. 9. Nouvelle entrée. C'était New Order et la pièce Restless sur l'album Music Complete, un groupe qui vient de Manchester dans le nord-ouest du Royaume-Uni. Et en 20e position, et bien du côté francophone, c'était Les Incendiaires avec Tozuku. Excusez-moi, mon côté japonais, je ne suis pas certaine que je l'ai dit correctement. Mais Les Incendiaires, qui est un band originaire de Montréal. Mais deux des fondateurs du band, en fait, se sont rencontrés au même club vidéo où ils travaillaient. C'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un band. Alors, en 2005, ils ont décidé de se lancer dans cette aventure. Génial. Avant ça, en 20e place en anglophone, c'était Young Rival avec That's Chemistry sur l'album Interior Light. Et ça, c'est un groupe qui vient d'Hamilton. Oh, quand même. Et du côté francophone, eh bien, en 19e place, une nouvelle entrée encore une fois, ça va être Dem avec Encore plus fort. Oui, Dem. D'ailleurs, étrange chose à dire, mais Dem, oui? On se demandait si on le prononçait Dem ou Démé. Ben, c'est ça que je me demandais, moi aussi. Je crois que ça se prononce Démé parce que c'est le nom du gars, c'est Demetrio Masso. Oh, ça ferait beaucoup de sens. Démé, d'après moi. Et, Démé, ouais. Que le rock soit avec vous, dit-il. Oh, et voilà. Intéressant. Hein? C'est dit. Il nous reste encore plein d'autres nouvelles entrées, ma chère Tania, parce que ça n'arrêtera pas pour l'heure au complet, d'après moi, les nouvelles entrées. Non, ouais. Comme on le disait en début d'émission, on a quand même pas mal de nouvelles entrées. Je pense que c'est comme 4 nouvelles entrées du côté anglophone et si je ne m'abuse, c'est 6 nouvelles entrées du côté francophone. Alors quand même, plein de belles musiques dans vos oreilles cet après-midi. Ouais, ben écoutons-en 2 autres tout de suite. Tiens, du côté anglophone, en 18e place, on entendra US Girls avec Window Shades sur l'album Half Free. Et du côté francophone, eh bien ça va être Neve Confi avec Mannequin de magasin. Neve Confi qui était en spectacle récemment au Zénob. Oui, d'ailleurs. Exactement. Et voilà. C'est parti. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait. Nouvelle entrée. We'll be right back. Window Shades par US Girls sur l'album Half Free. US Girls qui est Meg Remy, c'est juste une pièce, US, une personne US Girls. Une pièce. Pas une pièce, non. Une seule pièce de personne. Bon, on a entendu une pièce de personne par là, tu sais. Ben oui. Donc Meg Remy, une femme qui dit passer beaucoup de temps dans son appartement avec les rideaux baissés. Ah, oh, les Dieu. Rideaux. Les stars baissés et les rideaux fermés. Elle se prend pour un vampire? Je pense que oui. Ah, qui s'est attaché à un paquet de drum machines, des pédales à effet, un mixer, un Walkman et plein d'affaires comme ça pour faire son propre band US Girls en 18e place anglophone. Et du côté de la 18e place francophone, eh bien, c'était Navé Confi avec Mannequin de magasin. Navé Confi qui, comme on le disait, était du côté du Zenob il n'y a pas très longtemps, si je me souviens oui, bien. C'était avec, le vaisseau fin d'or. De semaine. Oui, mm-hmm, c'est exact. Ça. On en parle d'ailleurs dans le Zone Campus, mais l'auteur, compositeur et interprète qui vient de la Beauce, eh bien, nous vient avec cette nouvelle entrée dans le top francophone. Et voilà. Alors, on a tellement de nouvelles entrées, il nous reste une demi-heure dans cette première heure et à peu près la moitié des nouvelles entrées, même plus encore. Mm-hmm. Donc, continuons avec les positions numéro 17. Du côté anglophone, c'est Cave Boy avec Something Like Summer et c'est la dernière de ce côté-là. Et du côté francophone, eh bien, en 17e place, c'est Maniwaki de Francis Faubert. On écoute ça dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. J'attendais le bon moment qu'on me sacre la paix. Les années m'ont creusé le visage, le temps a usé mon courage. J'ai plus jamais le pourvoyeur de rêves déçus par le malheur. Les sacrifices et la routine sont des complices assassines. J'ai fait mon temps, élevé mes enfants. J'ai fait mon cœur et ses erreurs. J'sacre mon camp sur les ailes du vent. J'ris puis j'pleure en même temps. J'étais soldat de la raison. La guerre aux ambitions. J'ai pris mes désirs pour des caprices. Je peux plus vivre en coulisses. J'ai jamais vu se lever le soleil autrement que pour gagner ma paye. J'ai jamais apprécié l'horizon ailleurs qu'assis dans mon camion. J'ai fait mon temps, élevé mes enfants. J'étais mon cœur et ses erreurs. J'sacre mon camp sur les ailes du vent. J'ris puis j'pleure en même temps. J'ris puis j'pleure. Ma jeunesse, les belles folies comptent une promesse. À soir, je sors ma vieille Kawasaki sous les étoiles du ciel de Maniwaki. FM 89.1. 7. Nouvelle entrée. Dernière nouvelle entrée du côté anglophone, Something Like Summer par Cave Boy sur le maxi Cave Boy EP. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Maniwaki de Francis Faubert. Et un petit peu plus tôt, je cherchais à savoir qui était Francis Faubert. Ouais. En fait, c'est un gars qui vient de Duclos dans le Far West du Québec et j'ai même pas trouvé combien il y a d'habitants là-bas. Mais quand même, sur son site internet, ça dit que c'est un gars qui aime beaucoup le whisky, c'est un gars qui aime les chemins de terre, il aime aussi l'histoire du vrai monde, donc son album s'inspire beaucoup, beaucoup de ça. Puis ça dit aussi que c'est enfermé pendant un an dans un shack de l'Outaouais à regarder les 35 habitants du village juste vivre et à s'inspirer de ça. Ah. C'est quand même quelque chose, là, pendant un an. Mm-hmm. Faut que tu veuilles. De mon côté, Cave Boy, c'est Montréalais. Ah! Ouais. Michel, Isabelle, puis Lana. Lana. C'est Lana. Très joli comme ouais. nom. Allez voir le site caveboymusic.com pour en savoir plus. Puis une page Facebook, ils vont être en spectacle à Québec le 27 octobre et à Montréal au Divan Orange le 28 octobre. Oh. Eh ben. Il reste encore deux nouvelles entrées du côté francophone. Ben oui. Donc, on parlera pas de l'anglo tout de suite. On va rester de ton côté, Tania. D'accord. Donc, on reste de mon côté en 16e position. Eh bien, on retrouve Rose Fargo avec une nouvelle pièce qui est Tombe. Et en 15e position, eh bien, on entendra Ponctuation avec Narcisse. Bon, on commence avec Rose Fargo. Ben oui, au 89.1 FM. C'est les palmarès si fous. We'll be right back. Et c'était Ponctuation avec la pièce Narcisse. Mais tout juste avant, on a entendu du Rose Fargo avec la nouvelle pièce qui est Tombe. Rose Fargo, qui est un band de Montréal, composé de trois pièces d'humains, comme dirait Mathieu, qui se connaissaient quand même depuis très longtemps. Donc, Marie-Hélène Lompré, qui est évidemment la chanteuse principale, François Dufault, qui est à la musique guitare, et Marc-André Baudouin, qui est à la basse. Et parfois, on a un invité spécial qui est Jean-Sébastien Bro-Labbé, qui lui est à la batterie. Bro-Labbé, j'aime Bro ça. Bro-Labbé. C'est cool. En anglophone, on saute par-dessus tout le reste. En fait, on va rester en francophone, donc permettez-moi de vous dire ce qu'on va sauter, si ça vous dérange pas trop, là, c'est-à-dire tout. Hein? Donc, on va sauter par-dessus She Serpent en 16e place avec Black Swan, en 15e Fake Tears avec You Want the Light, en 14e, c'est stable, Faith No More avec Sunny Side Up, en 13e, ça descend un peu, On va la jouer, t'as raison. Donc, on va rester au 13e place des deux côtés. On va l'entendre en anglophone, Fist City avec Hey Little Sister qui descend de 4 places. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter simplement la 14e place qui était en 11e position la semaine dernière, qui était Pony, L'Amour Argent. Mais en 13e place, on va retrouver une pièce qui a quand même fait un bon saut de 5 positions cette semaine, qui est Cathy Moore avec la pièce Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Bon, ben on écoute ça tout de suite. Oh, Pamela, c'est fou. 89 FM. Étrange.

La Bronze, notre chanson préférée de l'été. Hey, on l'a fait jouer cette chanson-là quand même assez beaucoup de fois. C'est la pièce Explose-moi de La Bronze qui est justement avec nous par téléphone. Bonjour à toi, Nadia Essadiki, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, vous? Ah, tellement, on est content de te parler. En fait, on a choisi de faire cette entrevue-là. On ne fait pas tellement d'entrevues. Non, c'est vrai. On parle mal, c'est fou, mais... Non, c'est bon, mais le fun, non, merci. Ah, on tenait à te parler. Donc, la pièce qui vient de jouer, Explose-moi, comme je disais tantôt, comme Tania a dit, c'est une pièce qui a joué beaucoup pendant l'été. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette pièce-là, Explose-moi? De quoi est-ce que tu parles dans la pièce, mettons, pour ceux qui n'ont pas porté attention? Ça parle de toutes les utopies qu'on peut avoir par rapport à l'amour, tout ce qu'on aurait voulu vivre avec des gens avec qui c'était pas possible ou même avec quelqu'un de fictif, toutes ces utopies, ces envies de romance impossible. C'est quelque chose que tu reviens beaucoup dans tes pièces de ton album qui est sorti en septembre. Ce sujet-là de l'amour qui est quand même assez contemporain, c'est quelque chose qui te touche beaucoup, ça? Ouais, je pense que ouais, ça m'a pas mal inspiré pour cet album-là. C'est vrai que c'est un thème récurrent, ouais. Ça, puis la liberté, puis la conscience, la vraie nature de l'humain. Mm-hmm. Je pense que ouais, des thèmes qui m'ont toujours inspiré, ouais. Mais justement, ta nouvelle pièce qui vient de sortir s'appelle Mon cœur est fauve. C'est une collaboration avec Mister Valère. De quoi elle parle celle-là et comment s'est passée l'association avec Mister Valère pour cette pièce-là? Comment est-ce qu'on s'est rendu jusque-là? Dans le fond, je leur ai demandé simplement, j'avais fait juste les accords avec la mélodie, puis je leur ai demandé, hey, est-ce que vous avez envie de collaborer? Fait qu'ils ont dit ouais, puis ils ont fait tout l'arrangement, fait que voilà, ça s'est passé comme ça, ouais. Donc, ils m'ont vraiment proposé quelque chose, puis j'ai fait waouh, j'ai trouvé ça super cool et c'était très simple, tout simple comme ça. Ouais. Ouais, mais souvent il suffit de demander pour avoir ce qu'on veut. Hein. Exact. Mais là, j'ai parlé à Jay-Z pour le prochain album. Ouais, ben Jay-Z. C'est bon ça. Ben pourquoi pas? Faut viser haut des fois. C'est ouais. Ça, une note. Puis dans La Bronze, t'as un Z. Fait que déjà, t'as un point en commun avec. Tu vas pouvoir y dire, hey, j'ai un Z, man. Fait que tu m'en dois une. Oh! Oh shit! T'as pas pensé à ça. Tu joues de plusieurs instruments toi-même, Nadia. Principalement, on me dit de la batterie, tout ce qui est percussion. Oui, percussion, ouais. Mais ouais. Qu'est-ce qui t'attire chez les percussions? Ça percussionne? Qu'est-ce qui ne m'attire pas chez les percussions? Dis-nous ce qui t'attire pas chez les percussions. Dans le fond, c'est mon premier instrument. Fait que j'ai été initiée à la musique par les percussions. Puis, je sais pas pourquoi. Ça m'a juste toujours attiré le rythme. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Puis, j'ai été initiée à la musique comme ça. Puis, plus tard, évidemment, pour composer, ben j'ai appris à jouer un peu de piano et à chanter un peu. Voilà. Bien, justement, quand que tu fais des performances live en direct sur scène, tu joues de la batterie, tu joues beaucoup d'instruments, mais tu fais pas seulement ça, tu fais aussi quelques apparitions au petit écran. Est-ce que tu trouves que ça te donne une aisance sur la scène quand tu arrives en spectacle? Ben on me demande souvent cette question-là et j'imagine que oui, mais j'avoue que je sais pas à quel point, comment. Je pense que ce qui m'aide, c'est tous les éléments de mon parcours. J'ai suivi pas mal de cours de danse. J'imagine que le fait de faire de la scène, de la caméra, ça fait que tu deviens toujours... Ben, chaque expérience professionnelle, artistique, t'amène un bagage qui fait que tu es de plus en plus confiant, plus à l'aise, j'imagine. Donc oui. Mais je sais pas comment exactement ça m'a aidé, puisque j'ai jamais fait un parcours où j'étais pas comédienne. Donc je peux pas vraiment comparer, mais... C'est sûr que, oui, j'imagine que ça doit m'avoir apporté quelque chose. Et tu dis là-dessus, là, on a besoin de savoir exactement de quelle façon. ça me surprend pas que tu parles de cours de danse du tout, parce que ton plus récent vidéoclip, on a parlé tantôt, Mon cœur est fauve. Colin, il s'en passe de la danse là-dedans. Tu dandines pas mal, puis c'est pas de la petite danse facile, c'est de la danse... bouges pas mal. Ah, c'est quoi, on fait un peu n'importe quoi. Tu vois, pour quelqu'un d'innocent comme moi... Ça a pas l'air de Mais la danse contemporaine, ça revient aussi dans tes spectacles, puis tout ça, c'est quelque chose que t'aimes? Oui, ben avant, en fait, j'avais des danseuses contemporaines avec moi. Là, c'est plus une formule qu'on a depuis un bon 2 ans, mais oui, la danse, c'est un médium qui me touche, puis qui exprime des choses qu'on peut pas nécessairement exprimer avec la musique ou le chant, fait que c'est juste comme autre chose, ça amène une autre couleur, puis oui, ça me touche beaucoup la danse, ouais. La danse contemporaine, puis le hip-hop aussi. J'ai suivi pas mal de cours de hip-hop, j'aime bien ça. Ouais. Ben, c'est cool. Non, c'est un très beau site. D'autres choses qui t'inspirent, c'est apparemment la nature, parce que sur ton site, on voit pas mal d'inspiration par rapport à ça dans tes vidéos aussi, des décors de nature un peu. C'est ce qui t'inspire oui. aussi? Le bois? Complètement, complètement. Tu m'as comprise, on est des agriculteurs. Et voilà. Non, mais, mais oui, oui, la nature, c'est une des choses qui m'inspire le plus au monde. Parce que on est tellement déconnecté de la nature, souvent on oublie que c'est tout ce qui existe, là, à la base, mm-hmm. c'est ça. Là. La planète Terre, c'est la nature. Et donc, je vois beaucoup l'essence de la vie là-dedans, puis ça me touche beaucoup, puis ça me ressource beaucoup. Fait que j'ai souvent besoin d'aller dans le bois, puis de voir la vraie vie. Mais quels animaux est-ce que tu veux voir dans le bois, mettons? C'est, non, mais c'est vrai. Quels animaux? J'aimerais ça voir, tu avais le choix, mettons, un zèbre. Ouais. Un zèbre, j'aimerais bien ça. Ouais. Un zèbre, ouais. Tout ce qui est un petit peu plus ouais. jungle. C'est ça. C'est inspirant. Ben sinon, j'allais dire tout ce non, qui est non, nature. Non, mais j'aime les animaux en général. Même oui. une coccinelle, je serais bien contente. Ah, c'est cute. Mais non, hein, j'allais dire que t'aimes tout ce qui est nature. Donc, ton yogourt, j'imagine, tu prends nature. Oh! Et tes chips, est-ce qu'ils sont nature aussi? Oh! Non, en fait, les chips nature, j'haïs ça. Puis je comprends pas pourquoi ça existe. Parce qu'on a tellement de chance d'avoir plein de ouais. panoplies de goûts dans la bouche. Je comprends pas pourquoi. Ça goûte juste le gras. On choisit les natures. C'est ça. Ouais, j'ai jamais compris. J'ai toujours été comme, quoi? Mais il y a tellement de choix, en fait. Mais rajoute du vinaigre dedans, tu vas voir. Mais non. Un petit peu de vinaigre dans tes chips nature, là, puis ça fait la job. Ils deviennent molles, mais... Il y a plein de gens qui disent ça, mais pourquoi pas acheter directement les filets de vinaigre à ce moment-là? Tu comprends pas. C'est une grande interrogation pour moi. Interrogation. Bien oui. Nadia, est-ce que toutes ces inspirations-là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver en spectacle cette fin de semaine lorsque tu vas être du passage de Trois-Rivières au Zénob? Oui, c'est sûr que oui. Toutes mes inspirations vivent en moi, puis on essaie de les partager avec toute notre fougue. Fait que oui, en show, vous devriez sentir tout ça. Là. Le Zénob, je ne sais pas si tu y as déjà été, mais c'est quand même très, très intime, mais c'est une place qui dégage beaucoup. Mm-hmm. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ton spectacle samedi soir? On va être présent avec toute notre joie de vivre. Et notre côté festif, mais introspectif aussi. Puis oui, j'ai déjà joué l'année passée, puis j'aime bien ça. Je trouve vraiment que c'est une chouette place, puis j'ai vraiment hâte. Ouais. Ça va être cool. C'est au Zénob, le 24 ouais. octobre, samedi. On va le rappeler plein de oui, fois. Oui, il faut le rappeler parce que c'est quelque chose à voir. C'est ça. Et si vous manquez oui. le spectacle du samedi 24 octobre, Caroline, t'as un petit projet qui est, ma foi, assez mignon. C'est le 5 novembre. Tu invites les gens à venir chez toi. Ben oui, c'est audacieux, hein? Je suis comme, j'ai donné mon adresse. Oui, c'est audacieux, ben oublie qu'il y a un petit peu fofolle, là, maintenant. Mais c'est quoi ouais, ce non, projet-là? Mais je me dis que j'ai confiance en les gens. Là, on en parle à la radio. Oui, c'est ça. C'est peut-être la pire idée de toute ma vie. Peut-être, ouais. Mais non, mais dans le fond, c'est vraiment à la bonne tranquette. Je veux faire des petits tunes de channel dans ma chambre, c'est ça. Okay. Mais à Montréal, le 28 novembre, là, on va faire un show full band. Au mai, à Montréal mm-hmm. Art Interculturel, qui va être mise en scène par Adib Alcalizé, l'humoriste extraordinaire. Fait qu'on va travailler pendant une semaine à monter le show, puis on va le faire. Ça va être vraiment chouette le 28 novembre. Ben oui, puis est-ce que ces deux spectacles-là, celui de cette fin de semaine et celui du 28 novembre en tant que tel, tu vas nous présenter peut-être des nouveaux morceaux? Oui, hein? Ben oui. Mm. Activité, oui, ouais, il va y avoir des nouvelles pièces, oui. Que pas grand monde a entendu, tout à fait. Donc là, ça veut-tu dire qu'on va avoir un nouvel album qui devrait sortir dans les prochains mois? Ouais. Oui, ben qui devrait sortir dans un an, à l'automne prochain. OK. On se laisse une année complète ouais, c'est ça. Pour celui qui vient de sortir. Oui, pour enregistrer ça à l'hiver, puis mm-hmm. bien faire les choses, oui. Ouais. Et après ça, ben, t'es dans l'équipe de Coyote Records maintenant, ou je sais pas s'il faut dire Coyote Records pour être plus anglophone? Coyote, oui, ben pour le booking en fait, c'est eux qui s'occupent de la division show du projet, ouais. Et eux là-dedans, ben il y a Carrie Molette, Clopelgag, oui. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent avec eux? Est-ce qu'il peut y avoir un mélange de ces artistes-là peut-être un jour? Peut-être un jour, j'aimerais ça. Ça ouais, assis, peut-être, ouais, ça serait cool. Mais sinon, quel artiste, mettons, qui n'est pas sur ton étiquette, Coyote Records, pour les spectacles, je ne sais pas si on a un peu une étiquette dans ce cas-là, en tout cas. La compagnie, bref. Ouais, compagnie. Moi, mais avec quels autres artistes est-ce que tu aimerais jouer un jour sur scène? J'aimerais beaucoup faire un duo avec Stromae. Ouais? Mm-hmm. Ouais. On te le souhaite? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y a un petit truc qui s'en vient sur les interwebs dans les prochains jours, lié à lui, vous checkerez ça. Avec lui et toi, là? Non, juste lié à lui, qu'il y a un lien avec lui, non. OK. Ouais. OK. Ah. Qu'est-ce que t'écoutes d'autre comme musique, mettons? dans la vie? J'écoute tellement de choses. Hey Moon Shaker. Okay. Petit côté Kitten avec Tove Lo, bien assumé. J'écoute tellement de choses. Mon Dieu, Jack White, James Blake, Lucky Lee, Bob Marley. Oh. Plein d'affaires. C'est varié. Très varié. C'est varié. Voilà. J'ai entendu l'autre jour avec Tania, c'est elle qui me l'a fait découvrir, que tu as écrit la chanson thème du chalet, l'émission Vrac TV. Moi, ça m'a, oui. ça m'a un petit peu comme... ça ben m'a fait oui. « Wow, je trippe donc bien sur cette chanson-là ». Est-ce que tu as été approché pour faire des chansons pour d'autres projets? Est-ce que ça s'en vient? Est-ce que la bronze va être connue comme étant quelqu'un qui travaille sur des publicités ou des séries télé? Musicalement parlant. Toi, pour l'instant, c'est une expérience assez unique, mais à laquelle j'ai vraiment été contente de m'associer. C'est vraiment une émission superbe, ouais. super bien faite. Puis, moi, je suis bien contente de signer la chanson de cette superbe émission. Cool. Donc, on devrait te réentendre aussi parce qu'ils font une deuxième saison. Donc, la chanson thème va rester celle-là. Mm-hmm. Exactement, ouais. Oh, on aime ça. Le contrat est signé. C'est ça. Normal. on va te souhaiter un super bon spectacle le 24 octobre à Trois-Rivières, au Zénobe. Nous, on va être là, c'est certain. Oui, certainement, on va couvrir pour C'est fou 89.1. Exactement. On te retrouve partout sur Internet, bien sûr. La bronze, assez simple à trouver, étant donné qu'il n'y a pas 1000 bands qui s'appellent La bronze. Mm-hmm. Hein? Donc, tu as choisi un très bon nom pour ça. Parfait. J'ai hésité entre YouTube et ça, puis finalement, J'avoue. C'est vrai, ça. Cool. Donc, on te laisse choisir, comme on aime bien le faire, une pièce de ton album le plus récent, La bronze. Tu peux choisir n'importe quelle pièce, qu'elle soit plus ou moins jouée à la radio, qu'elle soit super longue, qu'elle soit genre vraiment étrange, qu'il n'y a personne qui joue à sa radio. Cool. Tout ce que tu veux, n'importe quelle pièce. Tu as 12 pièces sur l'album. Garde-toi. Je vais choisir la chanson Idéal. Idéal. Ben voilà, la dixième de l'album. Idéal. Cool. Et pourquoi Idéal? Ouais. Parce qu'elle n'est pas sortie pour les radios. C'est une pièce que j'aime bien et j'aimerais bien la faire découvrir. C'est merveilleux. On va l'écouter ensemble. Merci beaucoup, Nadia et Sadiki. Merci. La merci bronze. Bon spectacle le samedi 24 octobre au Zénobe. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye-bye. Tu es ma maison. Je t'aime sans raison. Ne fais pas comme moi. Ne me tire pas. Ne nous déchire pas. Ne nous tâche pas. Ne nous crache pas. La Bronze, la pièce idéale sur l'album La Bronze. Et avant l'entrevue, la pièce s'appelait Explose-moi. Donc, on a entendu deux pièces de Nadia et Sadiki, qui est La Bronze. Encore une fois, on vous rappelle le spectacle qui a lieu le 24 octobre. C'est samedi, en fin de semaine, au Zénob, ici même à Trois-Rivières. On la remercie tellement. Oui. Parce qu'on aime ça, écouter du La Bronze, nous, ici. Et elle reste mystérieuse pour moi, on dirait. Oui. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va développer sur sa vie, en gros, tu sais. Elle reste quand même assez, assez... Mais on aime ça, le mystère. C'est, apparemment, c'est ce qui rend une femme séduisante. Irrésistible. Et voilà. Voilà, La Bronze. Toujours dans les palmarès, c'est fou, on était rendu à nos numéros 10. En fait, on n'avait pas encore commencé notre top 10. Donc, allons-y. Du côté anglophone, ce sera Teen Days avec Pink qui descend de 6 places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Comme des Rôles de avec la pièce Phone Free. Au palmarès, c'est fou. Phone Free, nous, nos téléphones ne sont pas gratuits. On a composé un interrobin. Non, mais on l'a entendu ce matin. Hein? On l'a entendu ce matin. Quoi? Ou la pièce? Ben on ne l'a pas joué ce matin, finalement. On ne l'a pas joué. On ne l'a pas fait jouer. Mais oui, on l'a fait jouer. On l'a fait jouer? Super. Oui. OK. Oui. Je te fais confiance, Tania. Amène-toi, on part l'apéro. Les yeux perdus, allongés près de l'eau. Je te fais confiance, toi. Moi, je me fais pas confiance parce que je suis pas en train de mettre la bonne. Comme des roues, Phone Free. C'était Teen Days avec la pièce Pink en 10e place anglophone, ça descend de 6. Et du côté de la 10e place francophone, eh bien c'était Fun Free de Comdero et qui, je crois, on voulait entendre ce matin, bon. Mais on n'a pas eu le temps de la faire passer. Ah, ça doit être ça. Voilà. Hey, ça te règle-tu un problème, ça? Ça me règle un problème. Et on ressort l'extrait de ce matin, non? Et voilà! Non. On ne vit qu'une fois dans Assemblage Rocky, sauf les meilleurs moments qui, eux, se retrouvent dans le montage Un Instant Classique qu'on va se jouer en début de troisième heure, exceptionnellement, okay. Cette semaine. C'est bon. Tout à l'heure. Mais pour l'instant, les positions numéro 9. Du côté anglo, ce sera Rat-Tat-Tat et Abrasive qui descend de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, on a descendu aussi de 3 places pour Arthur Comeau et Pour Pêcher. C'est très, très longue pièce qui parle d'un cartoon de cigarettes. Eh bien oui, c'est du Arthur Comeau. C'est les palmarès, c'est fou au 89 FM. Tant planète. Pour pêcher le poussin, ça prend des cartes de cigarettes. Ça prend de la bouquin dans l'or pour les laisser le savoir. Pour pêcher le poussin, ça prend des cartes de cigarettes. Pour pêcher le poussin, ça prend des cartes de cigarettes. Thank you. Ratatat, la pièce Abrasive, descend de 3 places en 9e anglophone. Et en 9e francophone, eh bien, on a aussi descendu de 3 places pour Arthur Comeau et la pièce Pour pêcher. Tu mets tes feuilles devant ta face, on dirait que tu veux me cacher. Oui, exactement. Est-ce que ça fait de la meilleure radio si on me voit pas, j'imagine? Non! tu disais tout à l'heure, tu m'as fait remarquer, ou je t'ai fait remarquer, peu importe, que, et pour les gens qui nous écoutent en direct, c'est la première fois de l'année scolaire que le mardi, il ne pleut pas pendant les Palmarès C'est fou. En effet. C'est un signe! On est en train de capoter dans le studio, oui. Parce qu'en plus, apparemment, apparently, il ferait 24? 24,3 degrés dans le studio. En studio. 25 selon le système de thermostat. Donc, à l'extérieur... Oui, il fait beau. Il fait beau, il doit aussi faire chaud. Tu sais, la température est comme bipolaire, hein, ces jours-ci. Et tu continues de dire bipolaire, même si ça pourrait offusquer une partie de notre public. Je suis désolée. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est ce que t'as dit et c'est ce que tu dis à chaque fois qu'on en parle. Donc, eh oui, je parle de la météo en disant ça. Non, c'est ça, mais tu sais, taille bipolaire, qu'est-ce que tu veux? Il sait pas se décider, tu sais. Mais non, mais tu sais, une journée, il est pas content, puis l'autre journée, il fait chaud, puis il fait beau, puis en tout cas... Ou c'est peut-être juste le chauffage aussi. C'est peut-être juste le chauffage aussi. On était dans les Palmarès C'est fou, toujours un mélange du chef, hein? Oui. C'est ça? Ben oui. Un mélange du chef des meilleures pièces des Palmarès de la station, c'est fou 80 FM. Oui. Hein, dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. On était rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. On retrouve The Fratellis. Et, on n'était pas rendu au numéro 8. Oui, j'ai pourtant dit le bon groupe. Ben oui, je sais. Position numéro 8 anglophone, c'est The Fratellis avec Me and the Devil, qui était une nouvelle entrée la semaine passée, qui était en 18e place, monte de 10 maintenant en 8e. Et la semaine dernière, ils étaient en 19e place du côté francophone. Et bien, c'est les Sœurs Boulay qui sont maintenant en 8e place. Donc, un saut de 11 positions quand même avec la pièce « Fais-moi un show de boucan ». OK, ben je te passe ça. Ring, ding, ding, ding, ding. Ring, ding, ding, ding, ding. C'est les Palmarès, c'est fou. 89 FM. C'est foulé. Comme boulé, mais c'est foulé. Flippin' sur la veille, les lighters dans les mains, au moins. On est deux. Le char sent le vieux. Pour rien déclare mes culottes. Je perds la tête. Oh! Oh, oh, oh, oh, oh! C'est le déluge dehors. T'as choqué trois feux rouges. On s'est couché dans le gravel. J'ai dit, c'est pas fini. Presque la pleine lune, j'ai les yeux qui... for me. Make all your promises rhyme for me. Keep me in line, but do it honestly. Make it real, make it slow, stay alive for me. The Fratellis, Me and the Devil, monde 10 places en 8e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était les Sœurs Boulay avec Fais-moi un show de boucan. Les petites Sœurs Boulay. Les petites Sœurs Boulay. Que voulez-vous? Eh ben ouais. Comme le vous, c'est bon. C'est mauvais. Hein. Je suis pas très fier de mes blagues. Mais. Que voulez-vous, hein? C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est comme ça, c'est le contrat que j'ai signé. Hein. On m'a demandé d'animer les palmarès, c'est fou. Ça venait avec des gags mauvais ou le mauvais goût. Dépendant. Mais c'est moins pire ici qu'à l'assemblage requis. Ah, oh, je dois te l'avouer. Par moment, je te l'accorde, t'as tout à fait raison sur ça. C'est un peu malaisant des fois à l'assemblage requis. Si vous restez avec nous dans une demi-heure environ, un petit peu moins, on va avoir un instant classique, les meilleurs moments d'assemblage requis pour les trois dernières semaines. Mm-hmm. Ça va être gros ça. Mais avant, on a le temps encore pour les 7e places en anglophone. Ce sera The Sheepdogs avec Downtown qui monte elle aussi de la nouvelle entrée en 19e place la semaine passée. Donc c'était sa nouvelle entrée et puis ça franchit une bonne grosse partie du palmarès. Hein. Du côté francophone, eh bien, on fait un saut simplement de une place, mais quand même, on monte, on aime toujours ça. Et c'est la pièce En attendant de Simon Kearney. Ben, on écoute ça maintenant ou bien on... Là. Ah, ok. Un, deux, là. Un, deux, rock. Avec le temps, je fais en attendant vider le cinéma sans souvenir en attendant. Je n'essaierai même pas de surprendre les grands rôles, je connais les rôles. Je n'essaierai même pas de comprendre en attendant. En attendant. Installé sur le champ, ou naviguer en attendant les cœurs et les victoires, les rêves libres. Je l'espère en attendant. Je n'essaierai même pas de surprendre. Des grands rôles, je connais les répliques. Je n'essaierai même pas de comprendre.

The Matador, Three Wolf Down, position numéro 6 qui monte de 14 places en anglophone et on a sauté le numéro 6 franco. Mais oui, on a sauté Christelle de Philippe Braque. Ah ouais, ben voilà, on a aussi entendu les 7e en anglophone de Sheepdogs avec Downtown et en francophone, c'était Simon Kearney. Avec En Entendant. Mm-hmm. On prend une petite pause, c'est la fin de la deuxième heure. Il nous reste la portion top 5 de l'émission. Mm-hmm, déjà? On va savoir si nos numéros 1 sont toujours les mêmes que la semaine passée. Et on aura un instant classique qui est resté là. Suspense. Ouh! Suspense None the Richer, comme le Ben. Ben oui. Suspense None the... Tu connais pas? Non. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Hein? C'est ça! C'est ça du Suspense None the Richer, tu te rappelles pas? Ah, ben je connais ça de bord! Bon, ben c'était ma blague de Suspense None the Richer tantôt. Je suis d'accord. S'il faut que je l'explique, ça fonctionne moins bien par contre. Mais j'ai vraiment pas une facilité à retenir les noms dans la vie, là. Alors même si tu m'avais nommé ce Ben-là et j'aurais su qui c'était, probablement que je t'aurais répondu non ne sachant plus le nom. Bon, ben c'est toujours mieux de répondre non alors ouais. Que c'est peut-être oui que de dire oui puis finalement c'est non. Je comprends plus rien de ce que je raconte. Mais bon, c'est pas le genre de musique qu'on joue dans les palmarès, c'est fou ça. Hein? Mmh. Fait que retournons-y donc, on va. C'est la troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 19 au 23 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh oui. C'est la portion top 5 de l'émission où on écoute bien sûr les positions 5 à 1. Rappelons-nous que la semaine passée, le numéro 1 anglophone, c'était Matrix avec 4 Kicks qui était là depuis 4 semaines. Et la semaine dernière, eh bien, le numéro 5, c'était Sampa de Joël Saint-Pierre. Et la numéro 1, c'était Olympe de Rosie Vallant. Comment est-ce que ça se passe cette semaine? Là, il pourrait se passer quelque chose. On sait pas ça. Suspense None the Richer. Oh. Voilà. Ah, quel excellent gag. dans quelques instants, on aura un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. On va se faire ça tout à l'heure. Mais avant, en 5e place anglophone, il y aura Beirut et Gibraltar qui montent de 2 places. Et en 5e position, eh bien, oui, on retrouve le top 1 de la semaine dernière, Olympe de Rosie Vallant, qui est tombée de 4 positions. Et une de nos auditrices nous dit qu'elle n'est pas si drôle que ça, la joke. Fait que, merci quand même. T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager? Quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagner? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer? Quand une voix oublie ton nom sur l'échafaud? Quand une voix oublie ton nom? Thank you. 5. Thank you. barbe d'un brode. Quoi dans l'œil qu'il grise, les doigts qu'il frise. Si toi tu bois, lui double la mise. Il bouge pas là, pas sympa, suivi. Il passe une mop, là il change de chemise. Il drop des scotches, de grip et clutch. Il tête une pop, s'allume, c'est une botch. Mais dans sa main, il y a une drôle de bible. Il travaille fort, le moins souvent possible. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonne, puis à t'asseoir. Il lance des sommes au gré dans le noir. Des fois, il est ben bonne, puis à t'asseoir. Tire, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis d'être que là. Ouais, donne-moi ça, juste de même. Mais rien que de ça, puis d'être que là. Que je sais, tu sais, qu'est-ce que fait qu'il faut qu'on parle t'asseoir. C'est mes shooters, une peine de blanche, enlève le poudre, dans tous ces matchs, au plan de l'escorve, sur escorve dans mes oreilles, j'entends l'écart, le compte à rebours, mais c'est passé pour ma question. Voici, je m'agresse un week-end, big me roule, c'est pas mec, la tune, j'ai mis que les fonds, on rajoute, puis on radote, la note, la montre, la vie de sens, si je pêche dans un gramme, deux sucres, une crème, je pique à chaud pendant le week-end, fait chauffer le casque en début de semaine, excès d'avoir action, être encouragé, que tu me coules la mine, me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, et la pétune, Shawinigan, m'a dit que bonne et camagan, me ramboule, me ramène à vos autres, mon capitaine, et la pétune, Shawinigan, m'a dit que bonne et camagan. Here comes the sun.

Album Shakes, Future People, troisième place en anglophone, ça descend de une. Et du côté francophone, eh bien, c'était Galaxy avec Portugal qui, eux, ont sauté quand même. Oui. Quand même, oui, de c'est quatre places. C'était en septième place la semaine dernière. Comme on dit, un cochon malade qui a eu des plaies partout, port, Tugal. Oh, et c'est facile, ça. Oh, c'est hein? Facile, ça. Pour ce numéro 2 en anglophone, c'est The Dears avec I Used to Pray for the Heavens to Fall qui monte de 6 places. Et du côté francophone, eh bien, on était en deuxième position la semaine dernière, donc on reste en deuxième position cette semaine. C'est l'autobus des Connards à l'Orange. Ma cochonne, tes plaies se referment. Ah oui. Portugal. Ce n'est pas mal, c'est fou. 89 FM. Puis la façon dont tu t'attriques fait travailler mes préjugés. T'as l'air d'une fashion victime. Ça fait que moi je me dis que t'aimes. Toi le proton bouché sortirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain russe dans l'autobus me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ fait que je m'imagine plein de belles affaires. J'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur et ton cerveau avant de passer 8 heures à vendre la merde au fou. J'suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta salle. sur mon numéro de téléphone. Un écrivain reste dans l'autobus, me dit que t'as dit quelque chose. Le vieux merlu triste qui croyait au Christ fait que je m'imagine plein de belles affaires. J'ai lu juste créer mes châtiments. Je suis un peu gêné de t'aborder. T'as dit ce livre-là est excellent. L'utiliser pour te parler. Je te regarde du coin l'œil et puis je casse sur mon iPod. J'écoute les marmottes filles dont musique plus à mode. On arrête en même place, on va chercher des cordes. Je te regarde disparaître au milieu de la horde. L'écrivain reste dans le torbus. M'a dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ fait que je m'imagine bien. The Dears, I Used to Pray for the Heavens to Fall. En deuxième position anglophone, ça monte de 6. Et du côté francophone, eh bien, c'était les Connards à l'orange avec l'autobus. Il nous reste seulement les numéros 1 et on n'a pas beaucoup de temps pour faire des jeux de mots. Je dirais que j'ai beau prier pour demander plus de temps à Saint... c'est qui? Saint, je pense que c'est Pierre. Celui qui me lance des roches tout le temps, Saint-Pierre. Et j'ai beau marcher en rond, faire les 400 coups, faire les 100 pas, peu importe, je n'arrive pas à trouver de toute façon de jeu de mots pour les auditeurs, malheureusement. Et toi, de toute façon, Tania, tu feras pas mieux que ça. Je veux dire, non. Et toi, tu ferais quoi dans ce cas-là, tu sais? Tu ferais absolument rien. Même si c'était juste pour le fun, pour avoir le petit kick, genre, de faire des jeux de mots, t'en trouverais pas. Peu importe combien tu ferais de calculs mathématiques ou que tu essaierais de mesurer la longueur des mots pour essayer de faire des blagues qui sont bons et qui coulent bien dans la bouche, ça ne fonctionnerait pas. T'aurais beau aller à Las Vegas pour essayer de tirer ces slot machines pour essayer de trouver des jeux de mots, il y en a pas un seul qui sort. Explique-nous mes jeux de mots, s'il te plaît. OK, donc du côté du top 20 anglophone, eh bien, la première position cette semaine, même chose que la semaine dernière, on reste au top pour Matrix avec Four Kicks de l'album Pagans in Vegas, d'où la mesure de Mathieu. La mesure de Mathieu, tu veux pas la connaître. En fait, peut-être veux-tu la connaître. Ouais, plate et longue. La sœur pas. Ouais, oh, ben, comme à ma maudite. Oh, ben, ma maudite. Elle a dit qu'elle était plate et longue. Salutations à Jean-Philippe qui l'a collé tantôt. Ouais, bon. C'est un gag de pénis pour ceux qu'on n'aime pas. OK, francophone. Et du top 20 francophone, eh bien, la semaine dernière, on était quand même en cinquième place. Un bon saut de 4 positions pour Joël Saint-Pierre avec la pièce « 100 pas » de l'album. Et toi, tu fais quoi? Tu vois, « 100 pas » dans le rond. Hein? Hey, on écoute ça, pas mal, c'est fou. J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes, je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors rends-moi, je suis folle de vouloir te rendre fou. Je ne sais plus ni quoi faire ni quoi dire, donne-moi la raison de ce délire. Là, je perds tous mes moyens, mais si tu pars, je fonctionne encore moins. Position. La semaine du 19 au 23 octobre 2015 dans les palmarès. C'est fou, on y entend en anglophone Metric et Four Kicks, l'ancien numéro 1, donc qui reste stable au sommet anglophone. Et du côté du 20 francophone, eh bien, on a fait un saut quand même de 4 positions. On a un nouveau top 1 et c'est Joël Saint-Pierre avec Les Sampas. On pourrait presque s'appeler des sommeliers de la musique, hein, parce qu'on a le vin francophone et le vin anglophone. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais! Un coup de vent! Du coup... Donc voilà pour les palmarès, c'est fou. On est toujours en direct les mardis entre 15h et 18h. Soyez avec nous la semaine prochaine et dans quelques minutes, en fait, dans une heure environ, à 19h sera réanimation. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, Sky Punk et les Bonnets Rouges. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Allez, on se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment. C'est la 14e position francophone. Oui, c'est L'amour argent de Pony. Une chanson qu'on aime quand même beaucoup, oui. Nous, personnellement. On fait jouer parfois dans Assemblage Ricky. Exactement. Écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Tous les matins. Bye. Bye.